JWA de Mafia, man. Mon refrain, ça bouge pas. Tu chouchoutes pas tes Yankees, on les rabat. Mon refrain, ça bouge pas. Quand tu fais des péchés, tu les prends sur le dos, c'est pas Iblis qui va te faire un massage. Pardon papa, maman, je voyais que mes larmes après les coups quand j'étais pas sage. J'ai découvert un passage, creusé dans le bitume qui menait vers l'argent facile. Mais quand il rentre, c'est pour des vrais, on change pas de vie juste en cassant sa cible. Dans le bâtiment de la buée sur la vitre, on va rallumer la deuxième un litre. J'ai bien moins de mal à faire l'aller-retour à l'épicerie que d'ouvrir un livre. Mais dis à mes gars que tout s'arrangera, même si les yo-yo ça coûte cher en drap. Il doit des sous, tu lui demandes un peu plus et c'est pas la monnaie mais les coups que tu rendras. Mon pote te répond pas, tu penses aux arrivants pendant que ce bâtard baisse la merde de tes petits. Le plus fou dans le rap c'est que je dis des saloperies, tu peux te sentir visé mais j'sais même pas t'es qui. J'peux plus à manger qu'à m'habiller mais la boulangère vérifie les billets. Complètement parano, schizophrène, j'parie que j'm'autocritique, c'est celui qui dit qui est. Puisque l'argent fait le bonheur, c'est plus le psychologue qu'aura besoin de voir les gens. Punta Cana, Panamera, fais-moi fumer, raconte pas tes légendes. Ils oublient nos premières terres. On a grandi ensemble, maintenant ils se font tous la guerre. Je repasse à la cité de temps en temps, rien n'a changé à part que je pue la pierre. Dans le métar au sous-sol, j'ai vu des mecs tomber bas. Qui va s'occuper des mandats, moi si direct ça part dans des longs débats. Les types crachent la fumée sur le bout de leur pilon en parlant de faire des plans. Après deux trois mélanges dans la cristalline, ils parleront de se faire les grands. Tu en as affaire, tu en as affaire. 93 ici c'est tata win. Le principal c'est que quand t'as ta win, t'oublies les têtes à tête que t'as pas win. 2000 je sais, oui je sais. Toutes les erreurs que j'ai faites. J'ai un problème avec l'acheton, j'pourrais reboire ce que je saigne. Ouais la vie peut baffer, Rodka, Veka, Teshi, Caché, Chavot. Trouver celui qui fera ce vie, il sait pas ce qu'il t'a fait. Dites à mes ex qu'elle m'envoie pas de message pour s'excuser le jour d'Arafat. Dites à mes ennemis qui se regardent dans la glace pour savoir ce que c'est qu'Ahaza. J'ai découvert un passage, creusé dans la foi qui menait vers le droit chemin. Faut qu'on se pardonne, c'est tellement froid entre nous qu'on enlève même plus le gant pour le serrage demain. J'ai beaucoup de rêves, j'les fais pas sur un matelas entre eux. Ils parlent de lui devant moi, si je parle de moi devant lui, ils parleront de moi entre eux. Tu chouchoutes pas tes Yankees, on les rabat. Non, refrain, ça bouge pas. Pas joignable, j'achète mes bigots tabac. Non, refrain, ça bouge pas. Personne sait, personne sait, je fais ce mandou. Personne sait, non, personne sait, je fais ce mandou. T'es dans le bus Bennett, la téléphonie. Frère va pas te faire péter comme au djihad. Ça gonfle le bénef, fini les conneries. Là j'suis sur un plus gros coup que la girafe. J'marche rue Vaugirard, j'attends le bus offrant. Non refrain ça brade rien, moi j'attends le plus offrant. Tu changes pas même au start avec 4 puces orange. T'as capté que moi on s'associe plus on mange. T'as vraiment du mal à aller bien frère. Mais t'insiste pas, me parle pas mal. Même avec ton gun et ton insigne j'te bave. T'es dans un bat, repense à Phuket. Sur une chaise à viscère, des bolos cagoulés. 6h du mat, les keufs te pètent. Poto c'est pas dans un film que tu vas tourner. Mange un peu les cratères arrivent comme des bourrelets. La rue marque comme Aubameyang. J'traîne en bas, ils veulent me faire un ourlet. Premier qui teste, fais un exemple. Tu sors chez Watt là-bas, quelle jambe te pousse à l'outrage en demandant tes papiers. Me parlez pas de gros, un salade jonque la tête ailleurs. Moi c'est du bif que je palpais. Me parlez pas d'illicite pour m'épater. J'paye en shit ce que les petits arrachent. Ils parlent dans ton dos, va pas les tarter. Ça te grandit comme les URH. Statut sans cœur, ça veut te niquer ta race. Polyvalent, race, ça vend du shit et ça rap. Des Alep Sartek, tu vas crier sa rage. Avant de prendre des litrons, tu vas crier Ara. Tu fais des reproches, Germain, je te dois quelque chose. Mais dis-moi en vrai, toi, en vrai, qu'est-ce que tu m'apportes? Sortir les stars, continue les affaires. Hey, mais fais bien les choses pour qu'ils cassent plus ta porte. Dis qu'ils s'adonnent le temps comme Catherine Laborde. Mon garde du corps, il tient dans ma sacoche. Plus de soucis que de bénéf que la bibi t'apporte. Je suis gavé comme en sortant du 129. Quand je sens la meuf et que je rentre à la baraque, je suis stressé comme quand je crois avoir un barrage. J'étais petit, je coffrais des litrons chez Doudou. Je rêvais déjà de piller de la couleur des ballasses. Réflecteur ballast, hey la beupousse. Rage 200, ma 5 chiffres, ça va tirer. Pas le bif à tirer. Non, ça se lève pas pour rien de marrer, ça va dealer. C'est grâce à toi qu'ils se connaissent, mais ces bâtards ils font des queues trues dans ton dos. Même dans une cellule en reste, t'aurais jamais fumé le dernier split sans ton go. Les decks sont chauds, refrais sois vif. Attends pas que ça résonne pour casser ta puce. Dans le 9-3 t'arraches des sacs dans ta ville. Et un beau jour tu te retrouves à t'as fait de la pure. Si t'as fait de la thune, c'est pas ta rirage. Comme si t'enrichir ça les appauvrissait. Ici déjà vu de daron se boit. Et personne se paraît, ça les applaudissait. Déjà au collège, demande à Saïd, j'vendais du shit à la pionne. T'as plus besoin qu'on te poucave si t'as l'iPhone. Ce que j'ai dans la paume rentrera pas dans la feuille. Tu chouchoutes pas tes Yankees, on les rabat. Non, refrain, ça bouge pas. Pas joignable, j'achète mes bigots tabac. Non, refrain, ça bouge pas. Personne sait, personne sait, j'fais ce mandou.